belle s'est endormie sur un beau lit de rose. La belle s'est endormie sur un beau lit de rose, blanche comme la neige, belle comme le jour. Ils sont trois capitaines qui veulent lui faire. Jeune des trois la prend par sa main blanche. Le plus jeune des trois la prend par sa main blanche. Montez, montez la belle dessus mon cheval gris. Avec le capitaine vous passerez la nuit. You heard Heart Rouge. This is a group from Canada. Actually, it's a group, I think they're based in Manitoba and Saskatchewan, but the father of that, it's a family enterprise singing. And the father came from Lyon, so they have a very clear French accent. What you heard is the first one, Destination. And then you heard À la Claire Fontaine, and finally La Belle s'est endormie. Destination talks about a young girl who comes from a little town, And the general kind of story, I mean, she wants to get married, but she still loves someone else. And it's kind of a complicated situation. And she says she was so young, but they had kids and the family grew, but that's part of that was sung in English. And so she sings, and she hopes to get back her chéri. And she, of course, appeals to him, look at the kids that we have together. The last one is a very, very traditional Canadian-French, almost folk song, à la Claire Fontaine, at the crystal clear spring. And she kind of walked around the spring, and here is this beautiful, and she wants to, well, take a bath. And she sings, it's so long, long, long, long that I love you and I'll never forget you. And there is a Rossignol nightingale. Oh, it's a nightingale. Yes, and nightingale sings up in the tree, and she says, "Well, you sit up there, and you have good singing, and have a light heart. I sit down here and waiting for my lover, and my heart is broken." And so that's kind of a somewhat sad story. Well, the next one, La Belle s'est endormie. That's a more complicated one. Of course, it means the beautiful lady fell asleep. And this is three French captains of the French army try to court her. And of course, they not only want to court her, they want to do more than that. So, finally she agrees, she goes with them to one of the best restaurants in Paris. And then in the middle of the meal, she keels over and is dead. And that, of course, is not a very good recommendation for any restaurant, especially not for the very good ones. All right, so she's dead. And so they put her in a tomb. But here her father, of course, grief-stricken, comes along after a couple of days, and then he hears her cry from inside, "Please, get me out of here, get me out of here." And what she did, of course, she feigned for dying or being dead, and simply to guard her honor. So, after all, it wasn't the restaurant's fault that she felt slightly incommodated. Merci, Olaf. Une annonce. Programming is supported by Ampers and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at ampers.org. Ampers features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at ampers.org. Ampers, diverse radio for Minnesota's communities. Once the mythical Orpheus lived in the Balkans. Experience the enchanting music of this region. Immerse yourself in a fast-paced and complex rhythms. Embrace this unique, fascinating music with Nikolai at Balkan Jamboree. Come! Join me every Tuesday from 10 p.m. to midnight here on KFAI. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur Fresh Air Radio. Moi, je suis Caril. Et moi, je suis Olaf. Bonsoir, Olaf. Bonsoir, Caril. Et nous allons maintenant écouter Patricia Kaas, une jeune femme qui a une voix particulière. Elle chante les blues avec... elle les chante bien. Et maintenant, Patricia Kaas va vous chanter deux chansons. La première s'appelle « Ceux qui n'ont rien ». Et pour la prochaine, Patricia vous chante « Il me dit que je suis belle ». Yes.

You heard Patricia Cass in two songs. One, Ceux qui n'ont rien, those who have nothing. And the other one was, Il me dit que je suis belle. He tells me I'm beautiful. Well, the first one is kind of sad about, deals with people who may sit behind bars, who may have stolen a car and spend much of their life in prison. And she sings, well, you think no one, that you are nothing, but I will sing a song for you after all. So she sings for those who have nothing. Kind of upbeat, at least as far as her intentions go. Then he tells me I'm beautiful. And that part has two. The first part simply deals with how she can't even look at people walking in the street hand in hand, or who obviously are lovers, or who kiss, and so on. So she must have lost her lover. But then the second part simply deals with, she's then almost dreaming, and she's dreaming that he is telling her how beautiful she is. And she wants to believe this. And then there is silence. And there's pain, there's sorrow. So during the day she feels very bad, but at night, in her dreams, she believes that things are going to go be better. Patricia Cass. Merci, Olaf. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. C'est nous qui jouons la musique française et nous sommes très contents d'être ici ce soir avec vous, nos auditeurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter? Ben, c'est la célèbre Édith Piaf avec deux chansons. Et des chansons qui ne sont pas tellement connues. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu ces deux-là. D'abord, Piaf va vous chanter « Et moi ». Et dans la deuxième chanson, « Chante-moi ». Je ne savais pas prier, je n'avais pas la manière. Si quelquefois je l'ai fait, c'était lorsque j'avais faim. Maintenant, chaque matin, je fais la même prière. Donnez-moi aujourd'hui son amour quotidien. Les arbres ne peuvent pas vivre sans la pluie. Les fleurs ne peuvent pas éclore dans la nuit. Sans eau, les poissons d'or ne respireraient plus. Et moi, sans toi, je suis perdu. Sans brise, le voilier ne pourrait avancer. Sans la musique, personne ne pourrait plus danser. Sans le soleil, les oiseaux ne chanteraient plus. Et moi, sans toi, je suis perdu. Je n'ai ni foi ni loi. Quand tu es loin de moi, tout est sombre et sans joie. Sans toi, sans toi, tout semble amer. La terre est un enfer. Il m'est plus nécessaire que l'air. Les blés, pour se dorer, ont besoin de lumière. Dieu, pour être adoré, a besoin de mystère. Le cœur des hommes sans amour ne battrait plus. Et moi, sans toi, je suis perdu. chanson qui chantait dans ma rue pour les cœurs perdus. J'ai dit au garçon qui fouillait dans mon cœur de sa voix de malheur. Chante-moi des chansons d'amour, chante-moi de jolies mélodies, chante-moi le lever du jour, chante-moi la chanson de la vie, chante, chante mes nuits d'amour. Si tu peux, chante le bonheur, chante aussi tous les mots d'amour, pour que danse le chagrin de mon cœur. Et la voix du garçon qui chantait dans ma rue pour les cœurs perdus, à fouiller dans mon cœur pour trouver le bonheur, alors il a chanté. La plus belle chanson d'amour, j'écoutais la jolie mélodie, puis j'ai vu se lever le jour, et l'amour illuminait ma vie. Il a chanté mes nuits d'amour, il a même chanté le bonheur et l'amour faisant peur des tours a chassé. KFAI is a proud media sponsor of Art A World, Friday, May 17th through Sunday, May 19th. Presented by the Northeast Minneapolis Arts Association, Art A World features 3 days of open studio tours, demonstrations, live performances, and large-scale exhibits. More than 500 artists participate at over 70 locations throughout Northeast Minneapolis. Plus, some of your favorite KFAI DJs will be spinning music in the third floor gallery of the Northrop King building on Friday and Saturday. More information about Art A World is available at nemaa.org. Hi, I'm Eve, inviting you to join me every Tuesday from noon to 2 p.m. on Corazon Latino for our weekly journey straight to the heart of Latin music, from the classics to the latest local productions. Music for dancing and music to transport you to a tropical space. Here on your community radio, KFAI. La invitación es para los martes, desde las 12 mediodía hasta las 2 en la tarde. Corazón Latino, su transporte directo al corazón de la música latina en su radio de la comunidad KFAI. Well, no bonjour Minnesota sans Edith Piaf, and we heard two of her songs. The first one, Et Moi, and the second one, Chante Moi. And the first one, again, it gives you somewhat sad story. I mean, she sings about a lover, and then she sings about, well, she has a, she prays that he won't leave her. She prays that he will be behind her. And then, and whatever happens, then she asks, et moi, and what happens to me? So, slight uncertainty of what's going to go on. The next one was Chante Moi, and she goes into the street, she talks to the waiters, she says, tell me where they sing. I need, sing me a love song. And then she goes in and sings about how happiness is created by singing the love song, and to chase away those sorrowful thoughts. And, well, chante-moi, sing me a love song. Est-ce que toi, tu as jamais vu Piaf en personne ou en concert? Si, je l'ai vu. Ou bien c'était à l'ABC ou à c'est un des grandes salles, une des grandes salles là, sur boulevard Haussmann. Ah. Et c'était ou des grands boulevards. Et c'était très impressionnant parce que c'était vers la fin de, je peux pas dire vers la fin de sa vie, mais au moins elle avait déjà plusieurs fois, comment dirais-je, indiqué qu'elle allait se prendre sa retraite. Ah bon? De la scène. Mais là, elle c'était très impressionnant. Elle n'était pas, sans doute, elle n'était pas toute vraiment en haute forme, je veux dire, en très grande forme. Elle se traînait presque jusqu'à la scène. Oh là. Mais une fois, quand elle commençait à chanter, tout était oublié. C'était, elle chantait. Il n'y avait aucune indication qu'elle avait des... maladies ou quoi qu'il soit. Et le public était complètement folle quand elle a chanté, oui. Bon, alors maintenant, on va écouter Albert Préjean, un chanteur que je ne connais pas, du passé, je crois. Et il va vous chanter Dédé de Montmartre. Alors, Dédé, c'est un petit nom, sans doute, pour David. Et ça parle de dur. Et ça va être suivi par Paris Combo, Senior. Qui font des chansons sur le milieu, oh quelle rigolade! Ils ne savent pas comment nous vivons et balancent sur nous des salades. J'en ai fait une à ma façon et je vous le dis sans fanfaronnade. Ça ne casse rien, mais l'air est très bien et vous chanterez tous au refrain. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on la fait deux à deux et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vrai. Entre nous, on est de bons bourgeois. Notre rêve, c'est de pouvoir sur terre en planquer un peu chaque mois pour se tirer vivement des affaires. Dans un bled, avoir son chez soi, enfin vivre comme des millionnaires. Entre poteaux, boire son apéro et le soir chanter au bord de l'eau. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on la fait deux à deux et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musettes, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie.

So he really stresses the fact that this dance signifies love. So that's Dédé de Montmartre. And the next one was Paris Combo, again, very lively. And the singer, of course, was Belle de Duberry. And she sings about Señor. Well, I mean, this must involve some kind of a Spanish guy. But anyway, she sings about her apartment. And somehow or other, there is a spiral staircase that she's going up. An escalier en colimaçon. This sounds very French. It sounds much nicer than a spiral staircase. Anyway, she goes up this escalier de colimaçon. And well, I don't know, not totally clear what happens. But then she sings about l'amour frappe à ma porte. Love knocks on my door. Knock, knock. Who is there? Love. And she has her feelings, and she calls this person who apparently is knocking at the door, Señor. But it's very, very rapid rhythm, and very upbeat. These two at least were pretty upbeat. The other ones before, it's always about some sad thing happening or going to happen or already having happened. But this is love knocks at her door. And she's ready to open it. Eh bien, on a le temps pour une chanson. Et ça va être Yuri Buenaventura, L'eau à la bouche. À l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFRI 90.3 FM, Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul et Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul, Radio Without Boundaries. And you just heard Yuri Buenaventura in singing. That's a multinational name, I think. L'eau à la bouche, water up to my gills, more or less. Well, when you're saying something delicious, that might bring eau à la bouche, make your mouth water. My watering mouth, yes, and he uses that all the time to indicate, I mean, what happens to him when he is near his loved one. So he must be salivating all the time. Well, it's 2 minutes past 9 p.m. Central Daylight Time here in our studio in Minneapolis. And you're listening to Bonjour Minnesota. I'm Carol. And I'm Olaf. And we're bringing lots of interesting music. Mais, dis donc, est-ce que tu veux jouer la danse des mots maintenant? Oui, oui, c'est peut-être pas mal, des calembours. Oui, oui. La danse des mots, c'est intéressant. C'est cette fois, chaque fois, il y a un sujet différent qui a à faire avec la langue française, bien sûr. Et cette fois, ce sont les calembours. Alors, qu'est-ce que c'est les calembours? Vous allez trouver. La danse des mots, Yvan Amar. Marie-Treps ton pain, Marie-Treps ton pain, Marie-Treps ton pain dans la soupe. Ah. C'est bien la danse des mots. Il est rare que je m'autorise à chanter à l'antenne et même hors antenne, je dois le dire, parce que bien souvent on m'a dit que je chantais faux et je dois bien me rendre à l'évidence, c'est vrai. Mais je n'ai pas résisté à commencer cette émission avec cette chanson que je connais depuis longtemps et qui, me semblait-il, illustrait assez bien le propos d'aujourd'hui, puisque nous allons parler du calembour avec vous, Marie-Treps, et à propos du livre que vous avez fait paraître tout récemment aux éditions Vibert, et qui s'appelle « Enchanté de faire votre plein d'essence ». Et donc, c'est un livre sur les calembours, et le calembour que je viens de me permettre, j'imagine que je ne suis pas le premier à vous le présenter. Ben, je crois bien que si. Non, c'est pas vrai. On vous a jamais dit, Marie-Treps, non pas moi. Chaque fois que je pense à vous, et bien avant que vous ne fissiez ce livre qui est consacré au calembour, je pensais toujours, Marie-Treps, ton pain dans la soupe. Oui, Treps de plaisanterie, mon cher. Non, en voilà un que je fais souvent moi-même. C'est vrai que mon nom se prête au calembour, comme beaucoup de noms. Le mien aussi, ça, je peux vous l'assurer, j'en ai eu mon compte. Et il y a des gens qui continuent. Hein. Oui, oui, oui, mais c'est tellement drôle, pourquoi s'en priver? Ouais, ouais. Les calembours sur le nom... Au bout d'un certain temps, oui, et surtout d'ailleurs quand on est enfant, c'est un petit peu blessant. Oui, c'est un peu blessant, c'est stigmatisant aussi, mais c'est tentant. Alors, puisque vous avez consacré un livre au calembour, je vais commencer par vous poser cette question très simple. Qu'est-ce qu'on appelle un calembour, Marie? Alors, c'est un livre qui est consacré à la fois au calembour et au pataquès. Et j'ai mêlé les deux. Alors, un calembour... le mot, si on veut faire un peu d'étymologie, le mot est apparu au XVIIIe siècle, pour la première fois en français, dans une lettre de Diderot à son amie Sophie Volant. Et on faisait un grand usage à l'époque, dans la bonne société, du calembour. Et on en faisait déjà un usage un petit peu provocateur. Par exemple. Ce mot de calembour, il ressemble un petit peu à calembredaine. Voilà, c'est un mot, il y a plusieurs hypothèses, mais on n'est pas sûr. Alors, au XVIIIe siècle, en 1770, un certain marquis de Bièvre, qui aimait commettre, comme on dit souvent, des calembours, a écrit une lettre à Madame la Comtesse Tassion. Et il chahutait avec les idées nouvelles, celles de Voltaire, qui n'était pas du tout content, et qui d'ailleurs a parlé du calembour en termes péjoratifs, en disant que c'était la pire espèce du faux bel esprit. Mais à cette époque-là, c'est quand même d'Alembert, au moment de la rédaction de l'encyclopédie, a demandé à ce marquis de Bièvre de rédiger l'article calembour. Donc à l'époque, on commence à jouer avec ça, à s'amuser avec ça. On l'écrivait avec un K. Donc en gros, un calembour, c'est un jeu de mots. Fait par des gens d'esprit, qui jouent avec leur culture. Oui, et qui oscille entre deux mots. En fait, c'est une espèce de mouvement de va-et-vient entre deux mots dont les deux sens vont s'entrechoquer, voilà. C'est ça ? On joue à la fois avec les sonorités, l'homophonie et pas l'homophobie, et la sémantique, le sens. La polysémie et pas la polynésie. Voilà. Et on fait aussi, c'est des gens qui mettent en jeu leur culture, qui s'amusent, qui font joujou avec leur culture, en la bousculant un petit peu. Et c'est aussi, on peut dire, une plaisanterie allusive. On ne donne pas la solution. Oui. C'est établi une complicité entre celui qui donne et celui qui reçoit. C'est vrai. Et très souvent, ça joue aussi avec le non-sens et avec l'absurde, avec des calembours dont on peut dire que les ficelles sont bien grosses. Oui, comme quand on dit « Comment vas-tu, yot de poil ?» ça veut rien dire du tout. Et simplement, on poursuit la phrase « Comment vas-tu » avec « Tu, yot de poil ». C'est-à-dire « tuyau de poil ». C'est même pas très bien prononcé. Ouais. Et on sait pas pourquoi on dit tuyau de poil, mais on le dit comme ça. C'est pas tout à fait un calembour, ça, mais c'est un peu non, du même ordre. Non, mais si, ça fait quand même partie de la famille élargie, de la famille recomposée du calembour, disons. Au lieu de dire enchanté de faire votre connaissance, on va dire enchanté de faire votre plein d'essence. Et quel que soit le niveau de langue, la maîtrise que nous ayons de notre langue, on peut toujours en jouer. Et à plusieurs, c'est plus drôle. Et c'est pour ça, l'exemple que je viens de vous donner, c'est d'avoir chahuté des formules de politesse. La conversation, c'est un terrain ludique idéal pour ces plaisanteries allusives. Mais il y a aussi d'un autre côté le pataquès, qui est le fait de gens qui ne maîtrisent mal la langue et qui ne sont pas très à l'aise avec la multitude de références culturelles qui agrémentent la langue française. Mais ces gens-là, pour introduire un peu de faste dans la conversation, vont recourir à des expressions millésimées. Qu'est-ce qu'on appelle une expression millésimée? Par exemple, vieux comme Hérode, des choses qui traînent dans la langue, dont on n'a plus les références, mais dont on comprend très bien le sens. Donc ils vont aller chercher ces expressions, et ils n'ont plus l'idée de qui est Hérode, ils ne savent pas que c'est un roi qui était placé sur le trône de Jérusalem par les Romains. On ne sait même pas trop qui c'est, parce qu'il y en a plusieurs qui s'appelaient Hérode. Oui, non, mais celui-là, et on dit que certains d'entre eux seraient morts très vieux. Oui, les vieux comme Hérode, alors c'est plutôt le fait qui est ancien. Ça date de Jérusalem, comme on dit aussi fautivement, de Mathusalem. Mais surtout, même si on ne sait pas qui est Hérode, on connaît très bien le sens de l'expression. Ça veut dire épouvantablement vieux, horriblement ancien. Et si on va vouloir, même si on ne connaît pas la référence, transporter le sens, et en modifiant, en jouant avec les sonorités tout à l'heure, l'homophonie, pour employer un terme savant, trouver une expression qui transporte le même sens. Et on va dire vieux comme mes robes, parce que les femmes sont supposées n'avoir plus jamais rien à se mettre en ouvrant leur penderie. Donc le sens passe, l'expression est un peu chahutée, mais le sens passe. Et c'est ça qui est essentiel. Et le pataquès, c'est comme le calembour, un jeu avec le sens, un jeu volontaire ou un jeu involontaire, soit dans un premier sens, avec le calembour, on pervertit le sens, soit avec le pataquès, on essaye de le restituer. Et les gens qui font des pataquès, dans un sens, je voudrais réhabiliter aussi le pataquès, sont des gens qui ne manquaient pas de fantaisie et qui se lançaient dans la parole comme ça. Moi, j'ai souvenir de personnages dans ma famille ou autres qui faisaient des pataquès à qui mieux et je m'en régalais. Par exemple, une de mes sœurs, qui un jour que j'étais étudiante dans une ville assez éloignée de là où habitaient mes parents, une de mes jeunes sœurs, je me plaignais d'un voyage, le train, il y avait beaucoup de monde, j'étais fatiguée, elle me dit « Ah oui, le train était bombé pour bonder ». Bon, voilà. Et il y a des gens qui font ça spontanément, et ça n'est pas idiot parce que l'image est forte. Je crois qu'en fait, le calembour et le pataquès, c'est la fête des images. Bah, souvent, c'est quand même l'inconscient qui parle. Hein. Alors, c'est l'inconscient qui parle. Évidemment, on ne peut que penser à ce que Freud en a dit, puisqu'il a vraiment travaillé sur le jeu de mots, le mot d'esprit, son rapport avec l'inconscient. Ouais. Mais très souvent, justement, quand on fait une erreur et qu'on dit un mot à la place d'un autre, c'est parce que justement, on a un esprit qui a dévié d'un sens vers l'autre. Oui, et que c'est ce qu'on pense profondément, de façon plus ou moins consciente, qui va s'exprimer. Et c'est cette distorsion qui va faire rire. Oui, le décalage entre l'expression réelle et l'autre. Et alors, le pataquès ne manque pas d'intérêt. La preuve, c'est que les calembourdeurs professionnels, j'allais dire, comme Frédéric Dard, comme Coluche, comme un tas de gens de Français, qui nous écoutent peut-être, ou ailleurs, le père de San Antonio. De San Antonio, vont s'emparer d'un pataquès pour en faire un calembour. Mais, comme le calembour fait mauvais genre, ils vont dresser un paravent de vertu, c'est-à-dire prendre une précaution oratoire du genre, dans le pire des cas, comme dit ma femme, ou comme dit ma concierge, ou comme dit mon beau-frère, pour pouvoir lâcher un pataquès et le récupérer comme un calembour. Ou comme dit Berruyer, puisque vous parliez de Frédéric Dard. Comme dit Coluche, disait Berruyer, c'est donc un personnage de ces enquêtes du commissaire San Antonio, et c'est celui qui fait toujours des bourdes et au-delà des calembours. Et il dit of course à la place de of course. Oui. Et alors, donc, il y a cette espèce de mauvais genre du calembour. C'est, je crois, des sortes d'objets kitsch dans le langage. Mm-hmm. C'est pourquoi j'ai tenu à cette couverture rose, très rose, du livre, pour manifester ça. Mm-hmm. Là, à la fois, on a des gens à baise-main, des gens qui sont de très bon ton, et calembour et pataquès sont à la fois intéressent les gens, la bonne société. Et aussi le populaire. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, qu'elle a vanille. À vanille et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, l'était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour moralité, à vanille et mamelle sont les framboises du destin. Alors, ce qui est... Oh là là. All right, you heard a short discourse on les calembours and the pétax. So there's no real word in English for calembour. Calembour is a word when you play with words, but in a sense to that make that well. Okay, the just base jokes it's a joke playing with the words. And the book that they are discussing is a book that actually shows on its cover a gentleman, very well dressed gentleman, who kisses the hand of a lady. I mean, this is very, very high society, of course. And he says, "Je suis heureux de faire votre plein d'essence." so it's. It's the phrase in this context is "Je suis heureux de faire votre connaissance." I'm happy to meet you. But so then the calembour is when you drop a little bomb like this. Je suis heureux de faire votre plein d'essence, or many other examples. Explain that. I'm happy to make your. Well, I'm happy. I'm happy to fill up your, to make the to fill her up. I mean, your car, you know. So the good calembours, of course, are those that indeed provoke this type of understanding and laughing, that really is funny. Then, of course, there are some that are much less fin. And then in the song that you heard, it's a song also playing on words. This had to do with the Caraïbes and Caracas and places are far away. It's a kind of play with words that has existed since very, very old. Even D'Alembert, who was with the Encyclopédie Française, defined it in one way or the other. Voltaire was absolutely against it. He says, this is just people who don't have the real esprit to come up with something really funny. You could just roll over laughing. So, I, One that I remember, Olaf, I was at a party in France, and somebody asked me, this gentleman asked me, where are you from? And I told him, Kalamazoo, and he said, Poilamazoo. And Poilamazoo means a stove run with fuel oil. Well, fuel oil, yes. So, yeah, I mean, that's so you have experienced one. Everybody just broke out laughing, and it was tack, tack, tack, yes. Faster. So quick. No, this so and then of course, and the pertac, these are sentences in which words have changed or have become something different. For example, they have in France, there is if you kind of faint, you say il est tombé dans les pommes, or elle est tombée dans les pommes, which would translate directly. She fell into the apples, which has no sense. But everyone knows what it means in France. And the original is pomme, pâmé, means which you become totally white in your face. I mean, your blood drains from your face. Oh. And simply, and that's because shortly before you pass out. And so everyone knows, they don't know where it comes from, most people. No, I never do. But they know that she tombé dans les pommes means, well, he almost passed out, or he did pass out, or she did pass out. So this is these are the two kinds. One of the calembour and the pitac. Eh bien, on va écouter encore une chanson de Café du Flore, cet album qu'on venait d'écouter. C'est une chanson par Nicoletta, bien connue des chanteuses des années passées. Et elle va vous chanter « Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés ?» Qu'est-il passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Non, rien ne peut plus masquer tes yeux cernés. On te lumiérise, on te concertise, mais ton cœur si bas ne bat plus du bon côté. Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Toi qui m'as donné la main pour me trouver. Même tes fenêtres ouvertes sont closes. Qui a bien pu t'en Saint-Germain-des-Prés. Ma jeunesse perd, elle ne veut plus penser qu'elle pleut sur la ville, qu'une fitidure et rentre avec sa solitude. New to town? New to the one-of-a-kind audio experience that is KFAI? Want to be part of that experience? Why not become a volunteer? KFAI is always open to creative people looking to share their energy. If you're interested in news reporting, engineering, helping in the music library, or at KFAI-sponsored events, contact me, Pam, at phill@kfai.org. That's phill@kfai.org. Thanks. Thank you. From your friends at KFAI. Hi, I'm Eve, inviting you to join me every Tuesday from noon to 2 p.m. on Corazon Latino for our weekly journey straight to the heart of Latin music, from the classics to the latest local productions, music for dancing and music to transport you to a tropical space, here on your community radio, KFAI. La invitación es para los martes, desde las 12 mediodía hasta las 2 en la tarde. Corazón Latino, su transporte directo al corazón de la música latina en su radio de la comunidad KFAI. You heard Nicoletta. Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Where have you gone, my Saint-Germain-des-Prés? Which, of course, is the student quarter or the quartier not far from the Quartier Latin, and it's along the boulevard de Saint-Germain-des-Prés. It runs more or less parallel to the Seine River, and it's, well, studded with all kind of bars, restaurants, antique dealers, and, well, just things like this. But obviously, things have changed since last she saw Saint-Germain-des-Prés. So the flowers are gone, other things are gone, have been changed. What's the big café that's on, just en face de l'église de Saint-Germain-des-Prés? Is that the Trois Maillets? No, that's... C'est là où Sartre écrivait. Oui, Sartre... Flore? No. But, café Flore? Could be. I mean, I'm forgetting these things. Yeah. Okay, well, anyway, so this is, and much of that has changed, she sings. And where is it gone? But then also, where is my lover gone? He has disappeared with all of these things. So, that was Saint-Germain-des-Prés. But I'd like to say something about something else that has to do with, Saint-Germain. And that's Paris Saint-Germain, the football club that actually moved up to top position in France very recently. And today is the 14th, early in the... I mean, they are 7 hours ahead of us. Mm-hmm. And they had a riot. All of the supporters of the club were going near the Trocadéro to Place de Trocadéro to really have fun and to celebrate the... This extraordinary feat of becoming number one in the French football. I mean, not football, in French soccer league. Well, they call it football. So this was a large number of people came, and then riots broke out. And some people maintain, the police maintains, that these were not really fans of the club. Paris Saint-Germain. These were just people who wanted to disturb. These were people who just wanted to, have violence. And what happened is this happened on Monday afternoon. And what happened there were, after a while, there had to be hundreds of CNRS, of police, and on the... 32 people were hurt, and of those three policemen, and about 40 or more were held were jailed. So then after that, all of the other manifestations that were to be held, a trip on the Seine, and other niceties for the supporters of the club, all of that had to be cancelled. So this is kind of a sad thing. It's not Saint-Germain-des-Prés, but it was his Paris Saint-Germain, the famous soccer club. Eh bien, Olaf, il y a la musique qui vient de RFI, Radio France Internationale. Et Radio France Internationale nous envoie les dernières chansons, ou des albums qui viennent de sortir. Et c'est exactement ça, parce que Jacques Higelin vient de sortir un nouvel album. Alors, le voilà avec « Tu m'as manqué ». Alors, il a 72 ans maintenant et il est chanteur depuis 50 ans. On dit « Jacques Higelin est un ange descendu du ciel pour faire danser notre triste époque et nous donner du courage et du sourire. » Bon, écoutons, écoutons-le. Et aussi, avec cela, il y a Aman Méliès, mon plus bel incendie. Tu m'as visé, tu m'as manqué.

Well, we now had two songs that came from RFI, 100% Français, in which they make a selection of relatively new songs that have come out in France in the recent past. The first one by Jacques Higelin, and he is supposed to be the person who really spreads good humor and in a sense optimism. Well, the song was fine. I mean, but it was kind of a slow beat. Yeah, I mean, and what he sings about, of course, is Tu m'as manqué, and I missed you. And in a sense, he plays with the word Tu m'as manqué, je t'ai manqué. It can be I miss you in terms of emotionally, that you miss a person. But it can also mean that if you're supposed to meet someone and you miss the person because, who knows, the train did not come in on time or left before or something like this. So he plays a little bit on those words, mm-hmm. that tu m'as manqué and je t'ai manqué, as he hopes that she also missed him. Mm-hmm. And so it goes back and forth. And he was looking for you, and anyway, he missed her. But in the end, he sings about erupting volcanoes and so on. So they must have found each other. Armand Méliès, ma plus belle incendie. Very, very monotonous. That was true. And it's very unclear what his my most beautiful fire or incendie is actually more than only a fire. It's a fire that you've started or something like this. Or basically, incendie is more than just a little little fire, more than a campfire. It's really something burning down, and he sings about. About what's going on, and he sings this in very monotonous fashion and very slow beat, but apparently, I mean, the whatever happens, he thinks that is his most beautiful fire. Et voilà, encore quelqu'un, Maxime Le Forestier, ça va être mieux, je crois. Le cadeau, Maxime Le Forestier sort son 15e album qui s'appelle Le Cadeau, comme le titre de la chanson, en avril de cette année. Il y aura un grand tour en France, en Belgique et en Suisse. Il va être suivi par Lisa Leblanc, qui chante aujourd'hui « Ma vie, c'est de la marde », pour ne pas dire le gros mot. Alors, Lisa est née à Rosaireville, au Nouveau-Brunswick. Elle a commencé sa carrière comme chanteuse et a fait son premier album en 2012. Dès la première semaine, l'album s'est retrouvé à la première place des ventes iTunes au Canada. Maintenant, c'est la France et le monde entier qui va découvrir cette drôle de fille. Tu m'as pas sorti d'une vitrine emballé de papier fluo, pas volé à tes copines, pas reçu d'en haut. J'étais pas sous l'arbre à boules, ni glissé dans un sabot aussi douce que je me la coule. Je ne suis pas un cadeau. La seule griffe que je connaisse, elle est gravée sur ma peau. Un souvenir de tigresse, c'est

Programming on KFAI is brought to you by Southside Pride, a monthly newspaper locally owned and operated in South Minneapolis. Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods and more. More information is available at southsidepride.com. Haru harali, haralo, Go around the world in 4 hours with a cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Well, we heard Maxime Le Forestier in Le Cadeau, The Gift, and there he sings about, this gift from some, obviously someone he loves or did love or sometime loved, and so he can't refuse to take it. So what does he do with this cadeau, with this gift? Well, he puts it in a cupboard near where the old hats are, and he simply then sings about, what to do with this cadeau, with this gift that he has that he can't return, but that he also doesn't want to have sitting around in his life, so he stuffs it away. That's Maxime Le Forestier. And that was also kind of in the same beat as the two preceding songs that RFI had selected. The next one is a little bit more lively, not only in terms of rhythms. It's a banjo piece by Lisa Leblanc. She comes from New Brunswick. And the title is Aujourd'hui, Ma Vie, C'est de la Marde. Which means, it's translated, today my life is marde. And basically what it does, we won't say this, it's the Le Mot de Cabronne. She has substituted an A for the E in this word, marde. So to take away or to make it sound, not as offensive as the original word was. And then she sings all the things that happened to her, and then the whole chorus falls in, today my life is de la marde. Okay, but that's an old trick that Jarry in Le Roi Ubu already did in the beginning of the last century, 1900 and something. And then their audiences were much, much more sensitive to anything like this. So he has this character getting on stage and shouting three times, merdre, merdre, merdre. Again, it's transforming the word, the offensive word, but everyone knew what it was, what's meant, and Paris was shocked. So anyway, so this is not terribly new, and today's sensitivities are not such that she wouldn't have gotten away with actually mentioning the word. How she can get, what was the write-up said something like she's now listened to by millions of people. Well, she was number one in selling iTunes in Canada. Oh, okay. Well, that's then her life is not so much de la merde, if she can sell that many. Here's a couple of announcements from the Alliance Française. There is a visite en français at the Minnesota Institute of Art. The visit will be in French with Anna Bethune, viewing works that tie in with Julia Child's Ma Vie en France, based on a book about Julia. Wednesday, May 15th, at 10:30, reserve for Alliance Française members only. Save your places today. Call 612-332-0436. Coming up, there will be summer camps for children at the Alliance Française. Children of all ages through the summer, including review sessions for high school students and a theater workshop. Families with two or more children registered will receive a discount. Call the Alliance, 612-332-0436. And finally, I think this is going to be a very provocative discussion coming up Wednesday, May 22nd at the Alliance, 5:30 p.m., the Burqa ban in France. In September 2010, the French Parliament made it illegal to wear a burqa in public areas with 70% of public support. The ban received vigorous applause from the prominent French feminist organization Ni Pute Ni Soumise, which considers the burqa a tool of female oppression. Join in with former French Minister Amara. This will be, I imagine, by film. And the Alliance audience will prepare and ask questions following the conference. May 22nd, 5:20. J'ai une... Je viens d'acheter... Oh, oui! Le poème. Shall we... Just un très beau poème par un enfant de 15 ans. Oui, et c'est le prix Stéphane Hessel, jeune écriture francophone. I have to say, Stéphane Hessel is one of my favorites. And the Alliance Francophone and RFI came together to actually establish a prize for literature and poetry for young people between 15 and 25 years of age. And Stéphane Hessel sponsored this effort only a few months before he died. Anyway, here is a poem that it's really kind of cute. It's by Moïse Gédéon Kamguen Mouafo. He is a Camerounais poet, and he is 15 years old. Laissez-moi ma souris. Elle n'a rien volé sinon tous les fromages de pensée. Avec elle, nul besoin de bouger. Juste touché. Assis dans ma chaise, j'explore à mon aise. Lorsque désireux de rencontre, je vais à leur encontre. Pour voyager au bout de la planète, clic, et c'est parti. Découverte, imaginaire exotique, paysage, vallée onirique, navigateur de l'univers numérique à trait magnétique. Rencontre avec d'autres horizons, des monstres mangeurs de thon, l'orage déjà se fait de fond, clic, clic, et c'est parti. Tout macro-savoir d'encyclopédie, de dictionnaire, contenu dans un minuscule fichier. Vous allez peut-être vous en ficher. Nous sommes au troisième millénaire. Une nouvelle ère a débuté. Clic, clic. Laissez-moi ma petite souris. That was Moïse Mouafo. 15 ans. Formidable. Alors, j'aimerais vous faire écouter une chanson par une jeune femme qui s'appelle Zaz, et on va dédier cette chanson à Sylvia Springer de l'Alliance, une jeune interne de l'Alliance française. Zaz va vous chanter Les Passants. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la bova, la lira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. In Les Passants, and basically it's dedicated to Sylvie Springer, who we interviewed a week ago or so, and she said that's one of the singers she likes, and we had never really heard of her. So it was a very nice and lively... You'll hear more. You'll hear more from her and about her. Okay, now I think we have to... Il faut dire au revoir maintenant. Au revoir, Olaf. Au revoir, Karil. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde. Can't get enough of the programs you hear on the air? Then check out KFAI's web-exclusive programming for the no-holds-barred, uncut content that you won't find anywhere else. So visit kfai.org/web-exclusive and learn more about what's beyond your radio dial. Get your day hopping along with Roots, Rock, and World Beats on KFAI 10 to 2 p.m. weekdays. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul. And on the web at kfai.org. Radio without boundaries. Kulai, and you are with Balkan Jamboree.